chaînes qui t'entourent et les regards troublés de tes futiles amours. Oublier ton passé dépassé et pouvoir crier ta joie d'exister. Avant de voir ton gîte partir, briser, oublier, courir, choisir une nouvelle route, un autre point de mire. Au-delà du doute, construire une plus belle vie pour pouvoir accueillir tes nouveaux amis. Regardez les oiseaux migrateurs comme toi s'évader vers un ailleurs meilleur. Vivre loin des bruits de la ville, simplement être libre comme un poète en exil. Choisir, construire, regarder, aimer une fille sans phare, loin de la société et du monde qui s'égare. Caresser son corps pudique et voir ses yeux briller comme des notes de musique. Subir la tempête et les orages, puis dans ses bras te blottir pour mieux tourner la page. Jouir de la vie, de l'amour, des pleurs et des sourires jusqu'à la fin des jours. Aimer, caresser, subir, jouir jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à la fin de tes jours.